Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert, sur RQC. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM. Ça fait plaisir de vous retrouver pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, Backstage nous revient avec donc un album de sortie en 1982 qui s'appelle tout simplement Le Concert du Peuple, Concert for the People in Berlin de Barclay James Harvest. Et juste avant de commencer, bien entendu, de vous parler, de vous conter cette histoire et vous parler aussi des membres du groupe de Barclay James Harvest, on va s'écouter le premier titre de cet album qui s'appelle tout simplement Berlin. Berlin donc. Thank you. Voilà. Le premier titre donc de ce backstage, Barclay James Service, consacré à Barclay James Service, extrait de l'album A Concert from the People in Berlin. C'était le titre d'ailleurs Berlin. Alors, Barclay James Service, dit aussi ou appelé BGH, est un groupe britannique qui a été créé en 1966 en mêlant deux groupes de rhythm and blues d'Oldham dans le Lancashire et le groupe Earth and Soul et de Winked and Sorcerer. Alors, l'historique du groupe, le groupe d'origine comprenait Les Holroyd et Mel Pritchard, venu de The Winked, John Lee et Wally Waldholm, venant lui de The Sorcerer. Le groupe devient professionnel lors de l'été 1967 et vient s'installer dans un corps de ferme du 18e siècle dans le Lancashire pour suivre leur manager John Crowthers. Le premier single Early Morning est publié chez Parlophone en avril 1968. À la suite, le groupe signe avec le nouveau label de musique progressive émanant d'EMI, donc Harvest, pour lequel ils enregistrent avec un orchestre entre 1970 et 1972, période incluant le classique Once Again. Le premier album Barclay James Harvest sort en 1970 avec plusieurs titres des débuts du groupe, et cet album met en avant les forces du groupe: harmonie du chant, agressivité de la guitare et puissance des parties de Mellotron, qui resteront les fondations de leur album à venir. Malheureusement, les ventes ne sont pas au rendez-vous et la tournée de promotion est un fiasco, de même que les trois albums qui vont suivre, Once Again, Short Story et Baby James Harvest. Et EMI lâche le groupe. C'est donc chez Polydor, chez qui il signe en 1973, que Barclay James Harvest va connaître ses premiers succès au Royaume-Uni dans les années 1970 avec des albums comme Everyone is Everybody Else, Octoberon et Gone to Earth, qui permettent au groupe d'être connu en Europe, surtout en Allemagne, avec des ventes dépassant les millions d'exemplaires, et en Belgique. C'est à ce moment que Wally Waldholm décide de poursuivre une carrière solo, et c'est donc un trio qui continue en utilisant ponctuellement des musiciens de session pour ses albums studio et ses performances en public. Les années 1980 permettent à Barclay James Harvest de devenir superstar en Allemagne, Suisse et France avec une série d'albums d'or et de platine et des tournées affichant complets. Le point d'orgue est le concert gratuit du 30 août 1980 devant le mur de Berlin et devant plus de 175 000 fans. Le 2 juin 1984, John Lee chute et se blesse en sortie de scène à Lille, donc en France. La tournée Victim of the Circumstance est alors interrompue. 16 dates sont supprimées. Elle reprendra le 5 septembre 1984 avec 19 dates et au final en apothéose au stade de Wembley à Londres le 13 octobre 1984. Je continuerai la suite tout à l'heure. Là, on va s'écouter un deuxième titre de cet album qui est vraiment magnifique, hein, dans les lives de Barclay James Harvest. C'est un de mes préférés. Aussi, on peut parler aussi du Live Tapes, qui est un double album qui est vraiment superbe aussi. Là, on va s'écouter Loving is Easy, donc de Barclay James Harvest. Et c'est extrait, comme je vous le dis, de A Concert from the People in Berlin, bien entendu de Barclay James Harvest. Backstage, les coulisses du son. Voilà, c'était le deuxième extrait donc de Barclay James Harvest, extrait de l'album A Concert from the People in Berlin. C'était bien entendu le titre Loving is Easy. Alors, le succès fut plus dur à trouver lors des années 1990, malgré les bonnes ventes du Best of Barclay James Harvest, album d'or en Allemagne, et une tournée très réussie pour les 25e anniversaire au Royaume-Uni et en Europe en 1992. Les ventes en 1993 de l'album Caught in the Light firent que Polydor lâche le groupe. Mais le groupe rebondit en revenant avec de nouveaux shows et de nouvelles chansons. Barclay James Harvest enregistra un nouvel album en février 1996 et en avril, il fut annoncé que Polydor Allemagne signait le groupe Barclay James Harvest et repartit avec un nouvel album à l'appui, River of Dream. Le relatif échec commercial fit que John décida de se relancer dans une nouvelle expérience d'écriture avec Wally. De ce travail sont nés deux albums, Nexus et Revival, Barclay James Harvest, Through the Eyes of John Lee. De son côté, les Holroyd a enregistré deux albums, Revolution Day et Live in Bourne, qui, avec l'appui de Mel Pritchard, Barclay James Harvest, featuring Lee Holroyd. Ça, c'est compliqué, vous allez voir, je vous expliquerai tout ça après. Le 28 janvier 2004, Mel Pritchard meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans. Les deux groupes continuent, donc il y avait, c'est pour ça que je dis que c'était assez compliqué. Il y a deux groupes, pourtant toujours le même nom, Barclay James Harvest, mais un avec Lee Holroyd et l'autre, bien entendu, comme je vous le disais, avec John Lee. Alors, les deux groupes continuent cependant leur parcours. Stewart, donc Woolly Walshy Holm, claviériste de Barclay James Harvest, souffrant depuis quelque temps de dépression, s'est suicidé le 13 décembre 2010 à l'âge de 63 ans. Il avait quitté le groupe en 1979, il n'adhérait plus à la ligne musicale que prenait le groupe. Il sortit un album solo, Mai Tsotso, en 1980, et quitta le monde de la musique pour se consacrer à sa famille. Il a finalement réintégré Barclay James Harvest en 1998 et se partageait depuis entre sa carrière dans le groupe et sa carrière solo. Ses récents problèmes de santé l'avaient empêché de partir en tournée avec le groupe. Voilà, donc ça c'est pour l'historique du groupe. Après, je vous parlerai un peu de chaque membre de Barclay James Harvest et on terminera comme d'habitude avec la discographie qui est quand même assez conséquente de Barclay James Harvest, avec une bonne flopée d'albums au nom de Barclay James Harvest, au nom de Barclay James Harvest futur Lee Holroyd et bien entendu au nom de Barclay James Harvest et l'autre groupe que je vous disais tout à l'heure, John Lee. Voilà, on va s'écouter le troisième extrait avec Mockingbird de Barclay James Harvest, extrait toujours de l'album Un Concert from the People in the Berlin, sorti en 1982. Vous écoutez Backstage. Surfs and clouds and sky. Hush now, darling, don't you cry. There's a mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs just for you and surfs and clouds and sky. Time will see your tears run dry. There's a mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs just for you. There's a mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs just for you and me. Surfs and clouds and sand. Bless the tears of love now gone. There's a mockingbird Voilà, donc c'était le troisième extrait donc, de cet album de Barclay James Harvest, c'était Monkey Bird. Alors, John Lee naît le 13 janvier 1947 à Oldham, dans le Lancashire, est un musicien anglais, membre fondateur du groupe de rock progressif Barclay James Harvest. Étudiant à Robin Hill et Breeze Hill School, John Lee n'a reçu aucune éducation musicale formelle, mais a appris en jouant de la guitare quand il avait 14 ans. Il a poursuivi ses études à Oldham School of Art, et où il a rencontré Stuart Woody, Wollstone Holmes. En 1964, ils ont joué ensemble dans The Sorcerer, jouant Eddie Cochrane, Rock'n'Roll, et dans The Blues Keeper, avant de former Barclay James Harvest en 1967. Il a enregistré un album solo, une Fantasy Major, en 1972, mais la publication de cet opus a été abandonnée lorsque le groupe a changé de label. Il n'a pas été édité jusqu'en 1977. Il a également enregistré un single en solo chez Polydor en 1974, une reprise des Eagles, Best of My Love. En 1998, à la suite d'une divergence musicale, les membres de Barclay James Harvest conviennent de prendre un congé sabbatique. John Lee et Wollstone Holmes forment Barclay James Harvest Through the Eyes of John Lee. Et ce groupe est devenu John Lee Barclay James Harvest. Il travaille aujourd'hui en tant que technicien musical à Compton House, Église d'Angleterre High School. Il participe à la production du GCSE et de la musique de quelques étudiants de niveau et à des cours de technologie de la musique. Il est souvent impliqué dans les productions musicales. Il a également joué avec le musicien James Rowlinson. Donc vous pouvez éventuellement aller voir sa page. Donc c'est www.james, donc J-A-M-E-S, -normal, Rowlinson, Rawlinson, .tk, gloire. Voilà, donc on va s'écouter un quatrième titre. Donc de Barclay James Harvest, c'est toujours sorti donc en 1982 sur le concert From the People in Berlin, qui était, comme je vous l'ai dit, un superbe concert. Et on va s'écouter Sip of Wine et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes bien branchés sur RQC 95 FM avec vous jusqu'à 10h30 Scream pour l'émission Backstage. En couleur, en concert sur RQC. Come to borrow, leave it all. Voilà, donc c'était le titre Sip of Wine de Barclay James Harvest. Alors, John Lee Barclay James Harvest, ce dérivé de Barclay James Harvest est composé de John Lee, le bassiste Greg Fletcher, le batteur Kevin Whitehead et le claviériste Jazz Smith. La bande à l'origine comprenait Wally Stewart Walker Holmes sur les claviers avant sa mort. En décembre 2010, le groupe s'est formé en 1999 donc pour enregistrer l'album Nexus. Greg Fletcher et Kevin Whitehead étaient du groupe de Wally Walker Holmes Maestoso. John et Wally étaient membres d'origine de Barclay James Harvest. Le groupe part en tournée au Royaume-Uni et en Europe en 2006 et enregistre l'album live Legacy au Shepherd Bush Empire à Londres. Depuis, le groupe a joué dans des salles au Royaume-Uni, mais plus encore dans le reste de l'Europe où il rencontre le succès. Le groupe part en tournée à nouveau au Royaume-Uni en 2009. Ils ont joué au Festival de Berlin le jour de l'anniversaire de la chute du mur à la porte de Brombourg, en présence de 17 500 personnes et plus récemment à Porto au Portugal avec une assistance de 5 000 personnes. Le groupe a également joué en Amérique dont Philadelphie. John Lee Barclay James Harvest est produit par Historic Recording. Mark Powell, fondateur du label, travaille en tant que manager du groupe. Le groupe a également joué auparavant avec Jeff Leach et Mike Browell en tant que musicien invité. Après, je vous parlerai de Les Holroyd, mais juste avant, on va s'écouter un autre titre de Barclay James Harvest avec Nova Lepidoptera. Yeah. superbe titre hein, de Barclay James Service avec Nova Lepidoptera. Alors, Les Helroy, de son vrai nom Richard Leslie Helroy, est un bassiste britannique né à Oldham le 12 mars 1948. Les Helroy est l'un des membres fondateurs du groupe Barclay James Service. Il a suivi ses études à la Decker Secondary Modern School d'Oldham. Il a appris la musique seul, commençant avec une guitare espagnole à l'âge de 10 ans, avant de choisir la basse et d'évoluer dans divers groupes jouant ainsi bien du violoncelle que du piano. Il rencontra Mel tout jeune et joua avec lui dans Earth and the Soul and the Wicked, avant la formation de Barclay James Service. Leur voyage a eu beaucoup d'influence sur lui. Il a cité des groupes comme Toto et Chicago à l'écriture musicale de Crosby, Stills, Nash, Paul Simon, Steve Winwood ou Phil Collins. Lorsque l'on parle musique avec Mel Pritchard, Les a sorti l'album Revolution Day et en assure la promotion en faisant des concerts malgré la disparition de Mel Pritchard en janvier 2004. Les Helroy continue l'aventure avec Mike Byron and Here, guitare, donc à la guitare, Ian Wilson, guitare, Colin Brown au clavier, Chris Jago à la batterie et Steve Butler, chœur et aux percussions sous le nom de Barclay James Harvest, featuring Les Helroy. En octobre 2009, il était en France au Casino de Paris avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Les Helroy a aussi participé à plusieurs opéras rock d'Alan Simon avec entre autres Excalibur 2, L'Anneau des Celtes, Excalibur 3, The Origin et Anne de Bretagne. Il était présent aux côtés de Trianne et Ange, entre autres, lors des concerts au Château des Ducs de Bretagne en 2010 au Casino de Paris pour le concert du 18 mai 2011 pour promouvoir l'album de Anne de Bretagne et enfin durant la tournée d'Excalibur à guichet fermé en Allemagne en janvier 2010. On va s'écouter encore un titre de Barclay James Service, extrait donc de l'album A Concert from the People in Berlin, sorti en 82. On va s'écouter In Memory of Martyr de Barclay James Harvest. Backstage, les coulisses du son. We are love. inside. A prisoner without reason, just on the other side. We are left, we are. We are love. We are love. We are. We are Voilà, donc c'était Barclay James Service avec In Memory of the Martyr, bien entendu extrait de l'album The Concert from the People in Berlin. Alors la discographie de Barclay James Service en 1970, Barclay James Service en 71, Once Again en 72, en 71 toujours Barclay James Service and Other Short Story en 72, Early Morning Onward en toujours en 72, Baby James Harvest 74, Everyone Is Everybody Else toujours en 74, Barclay James Service Live en 75, Time 100 Ghost en 76, October Rond en 77, Gone to Earth en 78, Live Tape qui est un excellent live que je vous conseille en 78 toujours 12, en 79 Eyes of the Universe, en 81 Turn of the Tide, en 82 donc A Concert from the People in Berlin, en 83 Ring of Change, en 84 Victim of the Circumstance, en 87 Face to Face, en 88 Glausnot, en 90 Welcome to the Show, en 93 Cause on the Light, en 97 River of Dreams. Alors pour Barclay James Service featuring Les Holroyd, en 2002 Revolution Day, 2003 Live in Boone, En 2005, On the Road. En 2007, Classic Meet Rock. En 2010, That's What Dance. En 2016, Retrospective. Avec Barclay James Harvest, Through the Eyes, John Lee. En 99, Nexus. En 2000, Revival. En 2002, Echo of the Brave New World. En 2007, Legacy. Et en 2013, North. Voilà, on va s'écouter un autre titre que j'affectionne très particulièrement qui s'appelle Children of the Universe de Barclay James Harvest. En couleur, en concert, sur RQC. Northern Ireland, I'm a small boy with blood on his hands. Yes, I'm a child of the universe. Yes, I'm a child of the universe. You can see me on the TV every night. Always there to join in someone else's. Voilà, il est bientôt l'heure de se quitter, les amis. Nous, on se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission Backstage avec un nouveau groupe, une nouvelle chronique sur un album bien mythique. Allez, restez bien branchés sur RQC 95FM et on se quitte donc avec Child of the Universe, The Backstage Service. Ciao, ciao, restez bien branchés sur RQC. Ciao les amis. Child next door 3,000 miles away.